y a des jours où l'amour ne dit plus rien. Je rêve quand j'entends partir un train. Il y a des jours d'un bonheur si banal. Il y a des jours où l'amour nous fait mal. Je rêve quand j'entends.